Bonjour et bienvenue pour le numéro 5 du podcast Movies Nerd, enregistré le 1er février 2014. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez le savoir maintenant. C'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Bienvenue pour le numéro de janvier du podcast Movies Nerd. Je suis votre hôte, comme d'habitude, Axel, et j'ai avec moi ma co-hôte habituelle aussi, Roxane. Salut, ça va ? Ouais, ça va, un peu malade, mais bon, on va faire le podcast, parce que le mois dernier déjà on n'était pas là, et en parlant du mois dernier, on est en 2014, donc bonne année déjà aussi bonne année à tout le monde. Hein. On est un peu en retard, on est un peu désolé, mais... On va essayer de vous faire un podcast habituel auquel vous êtes habitué. Donc, je vais vous faire le sommaire et on commencera le podcast comme ça. Donc, d'abord on aura les news, ensuite on aura la critique d'un classique qui est consacré au château dans le ciel qu'on a vu ce mois-ci. Ensuite, ce sera Looking of Movies, le film du mois, j'allais l'oublier, qui sera consacré au Vent se lève. Aussi un autre film d'animation, on vous en parlera. Ensuite, ce sera notre top 5 des films de l'année 2013, plus quelques petits numéros spéciaux. On verra ça, comme on n'a pas eu le temps de le faire le mois dernier, on vous en parlera, on fera notre top, donc voilà. Et ensuite, ce sera la Minute Nerd, la bande-annonce du mois. Ou alors c'est le contraire, je sais plus. C'est pas grave. Je suis en train de paumer le fil, désolé. Donc ce sera d'abord la bande-annonce du mois et après la Minute Nerd, voilà. Ça se voit qu'on n'a plus fait de podcast depuis 2 mois, hein, parce que... Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Donc voilà, ce sera tout, la Minute Nerd, et après ce sera la fin, malheureusement. Mais on a un programme assez chargé, je pense qu'on devrait pouvoir tenir une bonne petite heure avec vous, en votre compagnie. Donc voilà, on commence tout de suite avec les news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci ? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs dans la rubrique News Cinéma du Mois. Et nous voici donc à la rubrique des news du mois de janvier. Should I loan you my car? I want to rent a movie. You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. Et je vais commencer tout de suite avec la première news. Kevin Smith, dont vous avez parlé lors du premier podcast, vous en rappelez, qui avait une qualité assez médiocre, hein, on va l'avouer, avec ce son merdique. Bon, maintenant, heureusement, on a des bons micros. Est sur le point de commencer le tournage de ce qu'il avait annoncé comme son dernier film. Il s'agit de Clerks 3, qui entamera début mai, avec toute la bande habituelle, et y compris les inénarrables Jay et Silent Bob, dont on vous avait aussi parlé, leur film qui était assez déjanté. On est vraiment impatient de vous en parler plus en détail. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. このファック野郎と同じようにね。 Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. Deuxième news, Quentin Tarantino. Alors là, vous voyez qui c'est quand même, c'est le dieu d'Axel. Ouais, on va dire ça. Hein. Et ben, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de troisième volet de Kill Bill. Ah oh là là, ça, ça me fait mal. Il a envie de pleurer. Ouais. Il faut qu'il prépare les Kleenex. Ouais. Il a dit que il envisageait de le faire, mais pour les 10 ans du deuxième volet, mais il a dit qu'il n'y pensait plus maintenant. Et ça, c'est tellement triste parce que Kill Bill, c'est vraiment une saga de films que j'adore. Comme quasiment tous les films de Tarantino, bon, il y en a quelques-uns que je suis pas aussi fan, mais Kill Bill, j'adore vraiment. Et c'est dommage. C'est dommage, quoi. Donc voilà. Like the way you die, boy. Et moi, je vais commencer avec je continue avec la troisième news. C'est l'annonce qui a renversé Internet ce mois-ci et qui concerne encore Quentin Tarantino. Alors qu'il venait d'annoncer son nouveau projet de film qui devait être un western et s'appelait The Hateful Eight, Alors, pourquoi j'en parle au passé? Eh bien, tout simplement le fait que quelques jours après cette annonce, l'entièreté du scénario a filtré sur Internet, ce qui a poussé Tarantino, furieux et très déprimé à l'idée que son scénario ait fuité, à abandonner le projet. C'est vraiment dommage parce que j'attendais j'ai adoré Django. Donc vous verrez dans notre top qui sera dans mon top personnel, il sera assez haut placé. J'ai vraiment adoré ce film. Et Tarantino qui fait un autre western, et ben moi c'était vraiment une annonce que j'étais super content à propos de cette annonce. Et j'ai vraiment trouvé ça dommage. Et là, c'est deux grosses déceptions pour des films de Tarantino, Kill Bill 3 et The Hateful Eight, donc un western qu'il aurait dû filmer. Deux déceptions qui concernent Tarantino qui me déçoivent. Voilà. Donc, Quentin Tarantino n'a toutefois pas complètement jeté le projet de long métrage à la poubelle. Il a dit: je peux très bien changer d'avis, cette putain de chose m'appartient, dans la délicatesse qui le caractérise. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Quatrième news. Alors que le deuxième volet de la nouvelle saga de Planète des Singes n'est même pas encore sorti, le réalisateur Matt Reeves est en charge du deuxième film, vient d'annoncer qu'il réalisera et écrira le troisième opus de la saga. Le deuxième film sera en salle le 30 juillet 2014 et on ne manquera pas de vous en reparler. Cinquième news, beaucoup d'annonces ce mois-ci du côté de la suite de Man of Steel, le film Batman vs Superman, voit sa sortie repoussée au 6 mai 2016, soit quasiment un an après la date qui était originellement fixée, pour, je cite, « permettre aux réalisateurs de concrétiser pleinement leur vision. Tant qu'ils ne font pas la même chose qu'avec Man of Steel, ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent. » And to ruin Superman's reputation. Imagine how sweet it will be when I save the world from the menace of the Justice League. Now, when I kill Superman, they'll build statues in my honor. Et la deuxième news qui concerne Superman vs Batman, c'est la plus récente et celle qui a fait parler ce mois-ci le plus les réseaux sociaux. C'est Jesse Eisenberg qui a fait entre autres Social Network, Insaisissable, Social Network, etc. Zombieland aussi. Bienvenue à Zombieland aussi. Et il va jouer Lex Luthor. Alors là, Le méchant iconique de l'univers de Superman. Donc Lex Luthor, c'est quelqu'un qui est super intelligent, qui est chauve aussi d'ailleurs, et qui a... Enfin, quand je vois Jesse Eisenberg, je ne vois pas du tout Lex Luthor. Mais vraiment. Alors, j'adore cet acteur, hein, Social Network, Bienvenue à Zombieland. Pour moi, c'est vraiment des films que j'adore, mais pour moi, je le vois pas en Lex Luthor. Il a pas le charisme pour jouer un super méchant et voilà. Tout. Et en plus, ce qui me fait encore plus mal, c'est que Bryan Cranston, donc vous savez que j'adore cet acteur qui a joué dans Breaking Bad, ma série préférée, hein, voilà. Il était partant pour jouer ce rôle et il ressemblait vraiment beaucoup à Lex Luthor. Vous cherchez sur internet des comparaisons et vous voyez que il lui ressemble vraiment par rapport aux comics, voilà, c'est assez dommage. Je continue ma news et d'après Zack Snyder, désolé, qui est le réalisateur, le comédien devrait insuffler une dimension nouvelle et inattendue à ce personnage. Alors là, c'est un peu du pipeau, non? Bah ça, c'est le bullshit du réalisateur voilà. Quotidien. C'est comme avant, quand permettre aux réalisateurs de concrétiser pleinement leur vision, ça c'est du bullshit corporate. Hein, c'est voilà. Tout à fait. Et cette annonce allait de pair avec celle de l'acteur qui allait incarner Alfred. Et c'est Jeremy Irons qui jouera ce personnage. Donc Jeremy Irons, qui est un grand acteur, qui a joué dans plein de films, dont Die Hard ou des choses comme ça, et aussi dans des bousasses comme Donjons et Dragons, le film, je vous conseille d'ailleurs parce qu'il est très marrant. Oh. Eh ben, en fait, ben, moi je trouve assez ressemblant à Alfred. Il a, à mon avis, en plus il est britannique, donc à mon avis, enfin, c'est bien le seul point qu'il faut pour incarner un Alfred, ça doit être d'être britannique, puisque il a toujours cet accent si spécial. Et il a une assez bonne ressemblance avec les personnages du comics qui ont, enfin, selon le dessinateur, change de design, bien sûr, mais. Là, il a une bonne ressemblance par rapport à Jesse Eisenberg, qui ressemble pas du tout à Lex Luthor. Voilà. Et on est au New Star Wars, donc je commence avec la première. Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster, she said. Après que Marvel ait récupéré les droits sur les comics Star Wars, Disney envisagerait de confier à Pixar la production d'un film d'animation Star Wars. Selon Latino Review, Disney aurait chargé le studio d'animation, à qui on doit Toy Story et là-haut, du développement d'un projet sur Star Wars. Pour l'instant, la nature exacte du projet en question est gardée secrète, mais comme l'univers Star Wars est très vaste en termes de fiction, Pixar a l'embarras du choix sur l'angle qu'il va aborder. Si le projet ne ressemble à aucun autre film que Pixar ait fait auparavant, il se peut que Disney laisse carte blanche à l'équipe créative et n'intervienne pas dans le processus. Notons que l'année dernière, Kelsey Mann, le superviseur des histoires de chez Pixar Productions, a confié qu'il aimerait développer auprès du studio un spin-off de Star Wars qui se concentrerait sur Han Solo et le Faucon Millennium. Do or do not. There is no try. La deuxième news. Le scénario de Star Wars épisode 7 est fini. C'est J.J. Abrams en personne qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Enfin, Abrams a affirmé sa volonté de tourner ce nouvel opus de la saga sur film, tout en évoquant l'IMAX, un procédé dont les contraintes techniques, lourdeur, bruit, instabilité de la caméra, etc., le laissent encore songer. I find your lack of faith disturbing. Troisième news, et une annonce qui va de pair avec la précédente, que Roxane vient de vous dire. Le tournage de l'épisode 7 est sur le point de débuter. En effet, J.J. Abrams devrait lancer le coup d'envoi du tournage en mars ou en avril en Angleterre. On se rapproche de plus en plus du film qui, je vous le rappelle, sortira le 18 décembre 2015. Un beau cadeau de Noël en perspective. Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movies Nerd a la solution. Car c'est l'heure de la critique d'un classique. Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10. C'est une garantie Movies Nerd, avec la critique d'un classique. Et on est à la rubrique de la critique d'un classique, qui concerne ce mois-ci Le Château dans le Ciel, qui est le premier film officiel du studio Ghibli, qui fut créé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Parce que avant ils avaient fait Nausicaa, La Vallée du Vent, mais c'était pas officiellement un film de Ghibli, bien que maintenant Ghibli le considère comme faisant partie de sa bibliothèque. Donc, le film a été réalisé par Hayao Miyazaki, c'est son premier film pour Ghibli. Le scénario est de lui aussi. Donc Hayao Miyazaki, c'est un grand réalisateur de films d'animation japonais, qui a fait entre autres Le Voyage de Chihiro, Nausicaa, Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, voilà, tout plein de choses comme ça. Le compositeur de la musique, c'est Joe Hisaishi, qui a fait toutes les musiques du studio Ghibli, sans exception. Et donc on vous en parlera un peu plus tard de la musique, parce qu'elle est assez importante dans le film. La sortie au Japon, c'était le 2 août 1986. Je vais vous donner maintenant le synopsis du film. Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Chita saute dans le vide en tentant de leur échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu, un jeune pilote d'avion travaillant dans une cité minière. Au terme d'une course-poursuite effrénée avec les pirates, Chita se confie à Pazu, lui avouant qu'elle est descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle est par conséquent la seule détentrice du secret de Laputa, que le chef des armées, le cruel Muska, cherche à percer. Donc le cast est composé de Mayumi Tanaka, qui fait entre autres les voix de Luffy dans One Piece et de Krillin dans Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Donc c'est pas n'importe qui. Et qui, là, elle fait, parce que c'est une femme, elle fait la voix de Pazu. Et de Keiko Yokozawa, pardon si j'écorche les noms, qui fait Shita, qui n'a pas fait grand-chose d'autre à part peut-être Kiki, qui est la sorcière. Qui, non, oh purée. Kiki la sorcière. Non, non, c'est pas ça. C'est un autre film, mais j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. Ok. On, voilà. En tout cas, c'est Kie, c'est fait par Isao Takahata. C'était un film près de Ghibli. Voilà, donc maintenant on va vous parler un peu plus du film. Déjà, je vais laisser un peu la parole à Roxane pour qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Roxane, qu'en as-tu pensé? Voilà. Ben, j'ai. Ça va, ça se laisse regarder, franchement, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé, mais ça va, ça, c'est vraiment super joli, c'est vrai, le décor et tout, les images, c'est super beau. C'est vrai que la musique a une part importante dans le film, et on s'attache assez vite aux personnages principaux, Chita et Pazu, et on veut vraiment qu'ils réussissent à aller dans ce château et tout ça. Et moi j'ai vraiment bien aimé les pirates avec la grand-mère et tout. C'est vraiment un trio et tout ça super sympa. Je sais pas. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, donc moi je vais vous donner un peu plus mon avis. D'abord je vais parler un peu de la réalisation qui est faite par Hayao Miyazaki. Et là, c'est vraiment un travail d'orfèvre qu'ils ont fait. On n'a pas l'impression de voir un film de 1986 avec la qualité de l'animation qu'il y a. Tout sur l'écran bouge, les personnages ils sont tous animés. C'est vraiment super beau à voir. Les décors sont magnifiques. On a vraiment l'impression que c'est une production enfin, on a vraiment l'impression que le film a été fait hier, hein. Surtout avec le master du DVD qu'on a acheté, qui est assez bien refait. Là, ils l'ont bien remasterisé, donc il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Le montage est bon, sans être exceptionnel. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau de réalisation. Bon, c'est sûr que les cadrages se font pas de la même façon dans un film avec des live avec des vraies personnes que dans un film d'animation, puisque dans un film d'animation on peut mettre la caméra où on veut, alors que dans un film live on est restreint par les lois de la physique. Voilà. Ensuite, le jeu d'acteur, bah, on peut pas trop en parler parce que c'est pas des vrais acteurs, mais les voix sont vraiment bien faites, bien que la voix du gamin est bien insupportable des fois, à crier « Chita ! Chita !» Ouais, je fais avec ma voix de j'ai mal à la gorge, donc je le fais mal, mais il a vraiment une voix assez aiguë qui des fois peut casser les couilles, voilà. Oui, bah, je vais pas le dire autrement, hein. Mais non, mais franchement, les personnages sont super attachants et tout. Au niveau du jeu d'acteur, c'est assez bon. C'est beaucoup mieux fait en japonais qu'en français, parce que de toute façon, en français, ça doit être vraiment merdique, j'imagine, en France, on n'a pas la même culture du doublage qu'au Japon, et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu des acteurs. Ensuite, l'histoire. L'histoire, c'est vraiment une très très très très belle histoire, merveilleuse, fantastique. Le genre d'histoire que j'adore, et je plonge dedans et que j'ai pas vu l'heure passer. Alors qu'on était on était assez fatigué quand on l'a vu. Et on sait pas trop. Enfin, moi, personnellement, je me suis pas endormi durant le film. Alors que j'étais assez fatigué. Roxane, je sais pas si elle s'est pas endormie. Mais je me suis endormie, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, voilà. Mais j'ai quand même vu. Oui. Donc on a voilà. Mais on s'est pas ennuyé. Ça c'est déjà un point fort. Oui, voilà. On était par déjà... rapport à un autre film qu'on parlera après peut-être. Par rapport à quelque chose d'autre. Donc voilà, l'histoire est géniale. Hayao Miyazaki sait écrire des scénarios. Enfin, savait écrire des scénarios. Oui. Là, je fais déjà un petit troll pour la critique future, mais vous verrez ça. Et voilà, donc regardez-le. Pour moi, c'est vraiment. J'ai vu que deux films du studio Ghibli, et c'est déjà mon préféré. Et faut que j'en voie d'autres, Mais... Faut qu'on voit Totoro, ouais, Ponyo, voilà. Et tout ça. Et mais je pense qu'il sera difficile à battre, puisque je considère ça comme un très très bon film, voire même, à certains passages, un chef-d'œuvre. Donc, et enfin, la musique, qui est, je vais vous passer un extrait là, maintenant, qui est juste magique, super belle, enchanteresse, enfin tous les qualificatifs que je peux lui trouver, c'est, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire que merveilleuse. Elle nous happe dans l'histoire, vraiment, dans ses dessins, on a vraiment l'impression, on a vraiment envie que ces personnages réussissent, et la musique amplifie ça d'une manière superbe. Donc voilà. Je vais vous donner l'avis final du film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Allez le voir tout de suite si vous ne l'avez pas encore vu. Pardon, j'en perds un peu mon français. Et Roxane, toi, tu le conseilles? Voyez-le au moins une fois. Moi, je sais pas, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime. Je suis pas aussi accro qu'Axel. Voyez-le et dites ce que vous en pensez. Ouais, laissez-nous vos avis dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou si vous allez le voir. Donc voilà, et maintenant on va passer à la rubrique Looking of Movies. Qu'est-ce que l'équipe Movies Nerd a regardé ce mois-ci? Vous êtes sur le point de découvrir avec la rubrique Looking of Movies. Et on est à la rubrique Looking of Movies, donc je vais commencer avec les films que j'ai pu voir ce mois-ci. Vous avez vu que j'ai fait une ou deux critiques ce mois-ci, je suis en train d'écrire plusieurs d'entre elles, dont deux films que j'ai vus ce mois-ci, et je suis en train d'écrire une critique dessus, donc... Il y aura sûrement pas mal de critiques, mais en attendant, je vous donne vite mon avis en audio, comme je peux le faire là, sur les films que j'ai pu... Enfin, quatre films, là, que j'ai pu voir ce mois-ci. Donc je commence avec le premier qui est un documentaire sur les jeux vidéo indépendants, Indie Games The Movie, qui parle de réalisateurs de jeux vidéo indépendants, comment ils galèrent pour faire sortir leurs jeux, puisqu'ils sont souvent des équipes de une ou deux personnes pour faire un seul jeu. D'accord, c'est peut-être pas des jeux, des gros blockbusters à la Call of Duty, etc. Mais ils sont souvent ingéniosité dans le gameplay, souvent, et dans l'histoire que les gros blockbusters auxquels on est habitué. Donc voilà, on voit vraiment qu'ils sont humains, on voit leur humanité, des fois c'est touchant à certains moments, c'est poignant, et on voit que des fois ils se détruisent la santé eux-mêmes pour leur jeu, pour qu'ils sortent, pour finir la programmation pour que la date de la sortie soit respectée. On voit aussi tous ces gens qui sont des vraies personnes, hein, puisque c'est un documentaire, sont vraiment des personnages que même le plus fou des scénaristes n'aurait pas pu inventer. Ils sont vraiment tous plus humains les uns que les autres, et on est vraiment touché par cette histoire. Je vous conseille vraiment, si vous aimez les jeux vidéo indépendants et même les jeux vidéo en général, parce que ça vous montre le côté dur de la création d'un jeu vidéo. Quand on n'est pas beaucoup et quand on veut juste faire passer vivre de sa passion, quoi. Donc voilà, sans se vendre aux grandes boîtes comme EA, Activision, etc. « Ensuite, le deuxième film que j'ai vu, c'était Space Battleship Yamato, qui aurait dû être la critique d'un classique du mois dernier, mais comme on n'a pas pu faire le podcast du mois dernier, voilà, etc. C'est un film, un space opéra japonais, qui est très intéressant. C'est basé sur l'histoire de du créateur d'Albator, donc sur une histoire antérieure à Albator. C'est l'histoire d'un vaisseau spatial qui doit aller récupérer un objet qui permettra à la Terre d'être décontaminée, parce que la Terre est complètement contaminée et il ne leur reste plus que quelques jours à vivre. Tous les humains vivent en sous-sol. Et donc le dernier vaisseau humain, le Space Battleship Yamato, va aller en dehors de la galaxie grâce à une technologie qu'ils ont trouvée, pour aller chercher un objet qui leur permettra de décontaminer complètement la Terre. C'est un space opéra digne d'un Star Trek de J.J. Abrams, avec moins de budget, des super effets spéciaux. Et si vous aimez les space opéra, donc Star Trek, Star Wars, etc., et il y a de beaux combats de vaisseaux et tout ça, je vous conseille vraiment des bons personnages auxquels on s'attache. Il n'y a pas de tête à claque, comme dans les films souvent, dans les dramas japonais ou des choses comme ça, il y a souvent des têtes à claque des artistes de J-pop de merde, là. Moi, je dénonce, là, parce que moi, j'aime pas ces connards, et voilà. Non, mais il va faire de, il est en train de faire le buzz, hein. Ouais, non, mais là, je vais me faire railler sur non, mais je déconne, mais enfin voilà, vous avez le droit d'aimer, hein, si vous aimez, mais c'est juste que moi, je les supporte pas, et... mais il aime le J-rock. Ouais, faut pas lui en vouloir. Ouais, mais il y en a qui sont vraiment des têtes à claque avec leur bande de merde, genre les AKB 41, 48, ou des choses comme ça. Je sais pas combien ils sont. Voilà, c'est pas grave. C'est... Bon, si vous connaissez pas, restez dans l'ignorance, ce sera beaucoup mieux pour votre santé, je pense. Donc voilà, moi j'ai le malheur de savoir ça. Ouais, je dis bien malheur. Donc voilà. Non, mais on retourne sur un bon film, hein, sur des bons personnages et tout ça. Space Battleship Yamato, c'est vraiment un très bon film, un très bon scénario. Il y a peut-être quelques clichés, mais franchement, on est happé dans l'histoire. On voit pas passer les 2 heures, je crois, que le film fait. Et on passe vraiment un bon moment. Donc je vous le conseille si vous aimez la science-fiction et le space opéra en général. Ensuite, le film qui aurait dû être le film du mois dernier, c'est Albator, que je suis allé voir au cinéma, tout seul. Donc, Albator, c'est le film dont je suis en train de faire la critique en ce moment, que je suis en train d'écrire, que je devrais la finir ce week-end, je pense, enfin, quand on enregistre le 1er février, elle devrait être publiée le 3 ou 4 février. Donc voilà, vous aurez mon avis en détail, mais là je vais vous donner plus, enfin avec l'histoire et tout ça, mais je vais vous donner plus mon ressenti sur le film. Donc je vous rappelle un peu vite fait, Albator, c'est une série à la base de 1978 de, oh là là, j'ai oublié son nom, ouais bon, on s'en fiche, Leiji Matsumoto, pardon, désolé. En plus, c'est un grand monsieur de l'animation. Pourquoi j'ai dit on s'en fiche ? Là, je me tape. Voilà. Je me fous une claque dans la gueule. C'est... Parce que franchement, pourquoi j'ai oublié ce nom ? C'est pas grave. Donc, Albator, c'est un personnage créé par Leiji Matsumoto en 1978, qui a après fait une autre série en 1984. Je vous raconterai un peu le passé, enfin mon passé avec cette série dans la critique. Donc je suis allé voir ce film avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, le film qui est en 3D, enfin avec des personnages en 3D de façon réaliste. C'est pas comme un Pixar avec des traits cartoonesques. C'est vraiment, si vous connaissez Final Fantasy, les créatures de l'esprit, c'est à peu près ce genre de design. Donc voilà. C'est un genre de film qui vieillit très vite, mais très très vite. Et je comprends pas pourquoi il continue à faire ce genre de film. Parce que c'est même si ça paraît beau à la sortie, et c'est pour ça que je vous conseille de voir maintenant, parce que dans 5 ans, ce sera déjà moche, vous pourrez plus le regarder, quoi. Même si là, maintenant, comme je l'ai vu, il était vraiment magnifique. Surtout, les vaisseaux sont géniaux. L'Arcadia, qui est le vaisseau de Albator, est vraiment magnifique. Il y a vraiment plein de détails. C'est vraiment fouillé dans l'image. Quand il y a des combats spatiaux, on a vraiment l'impression d'y être. Albator aussi est très bien modélisé. Par contre, les personnages secondaires sont un peu moins bien modélisés. On a l'impression qu'il y a genre 3 milliards de pixels pour Albator et 3000 pour les autres. Hein. C'est vraiment... On a vraiment l'impression, hein. Albator, il a les cheveux qui bougent dans tous les sens, super bien animé, etc. Donc voilà. L'histoire est vraiment... comment dire ça? Elle est passionnante au début. Au milieu, je me suis endormi 3 fois. Donc ça, je sais pas si c'était moi ou si c'était le film, mais j'étais excité pour voir le film. Donc à mon avis... C'était pas moi puisque j'étais pas fatigué. Donc il y avait quelques lenteurs, ça je dois l'avouer. Je me suis pas endormi longtemps heureusement, mais voilà, c'était quand même 3 fois où j'ai senti un ennui assez profond. Et donc voilà, c'était bien dans l'ensemble, mais pour moi c'est vraiment pas un film que je verrai une deuxième fois. Je vous le conseille de le voir une première fois pour voir si vous aimez. Mais si vous aimez si vous aimez pas, ne vous acharnez pas, n'essayez pas de le revoir ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment un film qui m'a assez déçu, et surtout que je suis un grand fan de l'animé de 1978. J'adore les histoires et tout ça, c'est vraiment passionnant. C'est un genre, c'est les mêmes genres d'histoires que les Star Trek originaux et tout ça, des séries, et donc. C'est des histoires de philosophie plus que d'action, et là ben il essaye de faire de l'action mais ça marche pas parce que contrairement à J.J. Abrams qui a très bien réussi à faire de l'action dans Star Trek, là il n'arrive pas à mettre beaucoup d'action dans le film, bien qu'il y en ait, mais ça marche pas, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Si vous l'avez aimé, ben laissez vos commentaires, hein, défoncez-moi sur les commentaires, mais moi je n'ai pas vraiment aimé ce film. Bien que en plus je l'ai vu en français, je pense que ça fait encore un point négatif parce que les voix françaises me saoulaient, mais vraiment ça m'a vraiment saoulé de voir ce film en français. Et il y a une seule chanson en japonais dans le film, alors que pendant l'animé normalement il y a souvent des belles chansons en japonais vraiment lyriques qui vous envoûtent. Et là, au générique de fin, il y avait une chanson japonaise qui dure 2 minutes. Et après, ça passe sur un truc, je sais plus quoi, mais j'ai quitté vite la salle. Hein, parce que voilà, ça m'avait bien emmerdé. Donc, laissez-moi vos avis sur Albator. Donc, maintenant, je passe au dernier film que j'ai vu, moi tout seul. Et après, on parlera... Enfin, je laisserai enfin parler Roxane un peu. Parce que là, je fais un grand monologue de 10 minutes 48. Je vois ça... You know you make me wanna house Donc, le dernier film que j'ai vu et que Roxane déteste. Oui, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, donc, mais je l'avais pas du tout aimé quand je l'ai vu, donc peut-être que ça joue aussi. Ouais, mais moi je l'ai vu maintenant, moi, tout seul, en version originale. C'est Serial Nosser, donc Wedding Crashers en anglais. C'est un film de 2003, je crois, qui a en star principale Owen Wilson et un autre gars, je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'ai pas cherché vraiment là. Mais c'est un film que, depuis que je l'ai vu, même en français, je l'adorais ce film. Et là, je l'ai encore plus aimé parce qu'il m'a vraiment fait rire. Il y a des super bonnes blagues. D'accord, c'est peut-être un peu potache, mais des fois, ça fait du bien. Des fois, c'est agréable. Et par rapport au film qu'on a vu, nous deux, le potage, c'est vraiment léger. Hein. C'est pas... C'est vraiment pas comme le film dont on va vous parler après. Donc, Wedding Crashers, c'est des conseillers matrimoniaux qui, lors des saisons de mariage, vont dans les mariages et font croire qu'ils sont invités et ils en profitent, ils bouffent, ils font la fête avec les gens, ils baissent toutes les nanas, enfin voilà, et ça c'est vraiment excellent. Il y a plein, enfin les personnages sont attachants, marrants, on se sent impliqué dans l'histoire. Et vraiment, je vous conseille énormément de voir ce film qui, pour moi, est une très très bonne comédie. Si vous ne l'avez toujours pas vu, laissez-lui sa chance, puisque c'est vraiment un très très bon film et je vous le conseille énormément. Voilà. Et maintenant, on va passer au film qu'on a vu tous les deux. Je laisse Roxane parler en premier puisque j'ai beaucoup parlé. C'est le film Bruno. Alors, le film Bruno, c'est vraiment un film vraiment très, très, très, très trash. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais déjà vu une première fois et j'avais autant aimé. C'est Sacha Baron Cohen. Pour les gens qui ne connaissent pas, il a fait Le Dictateur, Borat, Ali G. C'est vraiment un génie, ce mec. J'attends vraiment son prochain film avec impatience. Je sais pas s'il est en train d'en tourner un. Non, pas encore. J'espère qu'il fera encore un truc, parce qu'il est vraiment super doué, ce mec. J'aime vraiment ce qu'il fait. Alors, Bruno, c'est... si je dois résumer, c'est une fashionista autrichienne, 19 ans. Et voilà, il faut le voir en version originale, parce que... Avec l'accent autrichien et quand il parle anglais, c'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment super marrant. Et voilà, ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, mais vraiment d'aller le regarder en version originale, parce qu'en français, je ne sais pas ce que ça donne, ça ne doit vraiment pas être terrible. Et à la fin, il y a même une petite chanson avec quelques guests et c'est vraiment sympa. Ouais, donc Bruno, c'est vraiment un film que j'ai aussi adoré, mais c'était vraiment à la limite que je me pissais dessus quand je le voyais, mais vraiment, hein. En plus, avec mon mal de gorge, vous imaginez pas hier soir comme j'ai eu mal à la gorge à force de rigoler, mais je pouvais pas me retenir parce que c'était vraiment tellement drôle, mais tellement drôle. Parce qu'en fait, je vous explique le principe des films, enfin de ces films. C'est à prendre en compte pour Bruno et Borat, parce que le reste c'est des films scénarisés avec des acteurs et tout ça. Mais ce film, celui-là, Bruno avec Borat, sont des films qui sont filmés à la façon documentaire et il n'y a que, enfin quasiment que Sacha Baron Cohen qui est un acteur dedans. Il invite souvent toutes les personnes que vous voyez dans le film ne sont pas au courant qu'ils sont en train de tourner un film. Et c'est fait comme si c'était un reporter pour Funky Zeit, un magazine de mode autrichien. C'est vraiment potache à mort, mais en même temps, ça délivre un message de respect envers les homosexuels, bien que on peut se moquer des homosexuels et en même temps faire passer un message. Et ça, c'est ce que j'adore chez ce mec. C'est vraiment un génie pour faire ça, parce que y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça, franchement. Ouais. Il arrive à faire passer ça avec de l'humour, et c'est vraiment génial. Et si vous ne l'avez pas vu, je sais que ça peut déplaire à beaucoup de gens, surtout aux puritanistes. Je pense qu'ils ne doivent pas apprécier ce genre de film, mais je m'en fous, parce que si vous ne l'avez pas vu, donnez-lui au moins une fois sa chance. Regardez la bande-annonce. Si vous rigolez pas à la bande-annonce, vous n'aimerez sûrement pas le film, mais si vous rigolez à la bande-annonce, vous allez adorer le film. Il est exceptionnel, c'est vraiment un petit bijou de comédie. Par rapport à Serial Nosser, je peux pas le comparer parce que c'est pas le même genre d'humour, mais j'adore tout autant ce film qui, pour moi, est un vrai une vraie petite pépite de comédie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près. Bon, j'ai sûrement plein de choses à dire à propos de ce film, mais là, tout ce qui me vient en tête, c'est ça. Donc, allez le voir absolument. Donnez-lui sa chance. Et voilà. On a fini pour la rubrique Looking of Movies. Et on va passer tout de suite à la rubrique Le film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter ? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et on est à la rubrique du film du mois, qui est sur le film qu'on a vu ce mois-ci au cinéma, Le Vent se lève, le dernier film annoncé de Hayao Miyazaki, dont on vous a parlé précédemment pour la critique du Château dans le ciel. Donc voilà, je vais vous rappeler un peu les informations, etc. Et après on va vous parler de nos pensées sur le film, quoique vous avez peut-être un peu deviner ce qu'on avait pensé avec les petites piques qu'on a fait au film durant le podcast. Donc, le réalisateur c'est Hayao Miyazaki, comme je viens de vous le dire. Le scénariste c'est aussi lui. Le studio d'animation c'est toujours le studio Ghibli qui produit ce film. Le compositeur c'est toujours Joe Hisaishi qui a fait les musiques. Ensuite, il est sorti au Japon le 20 juillet 2013 et sorti chez nous en France que le 15 janvier, un truc comme ça. Enfin voilà, vous voyez un peu le retard qu'on a par rapport à la sortie japonaise, c'est assez impressionnant. Donc, le synopsis de ce film, je vais vous le dire, inspiré par le fameux concepteur d'avion Giovanni Caproni, Giro, donc le héros, rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions, mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Naoko et l'amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l'aviation dans une ère nouvelle. Donc le casting, ben je l'ai pas noté parce qu'on l'a vu en français et on en a rien à battre des gens qui ont doublé ce film, voilà. Je l'ai dit parce que les voix étaient merdiques d'ailleurs. Mais voilà, enfin, c'était la VF française du bas de gamme quoi. Moi j'ai vraiment pas aimé et c'est à mon avis ce qui m'a gâché le film encore plus. Donc je ne leur fais même pas crédit, voilà. Je suis méchant à ce point. Donc, et puisqu'on l'a pas vu en japonais, ben j'ai pas noté les voix japonaises, mais je sais qu'il y a celui qui fait Jiro, c'est celui qui a dû animer Evangelion, des choses comme ça, donc il a fait quand même pas mal de choses niveau animation, donc un grand monsieur. Donc, ben on va passer à notre critique du film, donc je vais laisser Roxane nous donner son avis sur Le Vent se lève, je t'en prie. Alors, Le Vent se lève. Ben, quand je l'ai vu à la télé, la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ok, ça a l'air pas trop mal. Ils ont dit que c'était l'entrée en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas vu ça dans le film, hein. C'était vraiment effleuré avec quand il va en Allemagne un tout petit peu. Mais alors là, ils nous vendent ça comme si c'était quelque chose, ouais, c'est le film de l'entrée en guerre par rapport au Japon et tout, mais moi j'ai pas vu ça. Et franchement, ce film, je peux vraiment dire qu'il m'a ennuyé, mais vraiment. Il y avait des longueurs, mais c'était vraiment ennuyant. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Il y avait quand même la partie des rêves qui était pas assez importante, malheureusement. C'est quand même un des seuls points positifs du film, on va dire. Mais c'est vrai que les voix françaises, ça gâche quand même pas mal le film en général. Et j'ai vu, il y avait pas mal d'enfants dans la salle. Et c'est vraiment pas un film pour les enfants, parce que c'est quand même assez noir comme film. D'ailleurs, on va vous raconter un peu le backstage de l'émission. Avant de commencer cette critique, je suis allé voir sur Allociné, et j'ai vu que le film est conseillé à partir de 6 ans, ce qui est, à mon avis, un peu du foutage de gueule. Un gros bullshit, voilà, effectivement. Et donc voilà, ce film, je le verrai pas une deuxième fois. Si vous aimez, les avions, allez voir ce film. Bon. Si vous êtes passionné par l'aviation. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. Les musiques sont belles et aussi les décors sont vachement beaux. C'est ce qui sauve le film, à mon avis. Donc, Axel, qu'en as-tu pensé, toi ? Donc, je vais donner un peu mon avis point par point sur ce film, sachant que j'attendais énormément ce film. La bande-annonce m'avait scotché. Je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre. Et malheureusement, comme l'a dit Roxane, c'est vraiment pas le cas. En fait, je pense que je m'attendais à un film fantastique alors que c'était un film réaliste. Comme le disent souvent les critiques, d'ailleurs les critiques sont très positives alors que moi, je comprends pas comment ils peuvent être positifs sur ce film. Ou alors ils sont passionnés par l'aviation, ça peut être un point, mais à mon avis que toutes les critiques soient passionnées d'aviation, ça m'étonnerait. Donc voilà. J'attendais vraiment beaucoup de ce film. Je pensais qu'il allait être ça allait être un film merveilleux, parce que Hayao Miyazaki, c'est quand même le papa des films japonais merveilleux, fantastiques. Le Château dans le ciel, Château ambulant, Chihiro, La Piuta, c'était Château dans le ciel. Donc voilà, voilà, il y a toujours un élément fantastique dans ces films, et là le seul élément fantastique, c'était ses rêves, et encore, les rêves, ça arrive à tout le monde, donc c'est vraiment pas fantastique. C'était l'histoire d'un gars banal. On en avait un peu rien à foutre de lui, hein. J'ai envie de dire, je vais garder le point sur l'histoire plus tard. Donc, je vais commencer avec la réalisation, qui est un des deux seuls points positifs du film. Mais l'animation, vous avez jamais vu ça au cinéma. C'est magnifique. J'ai aucun qualificatif pour le décrire. C'est d'une beauté absolue. On a rarement vu ça dans de l'animation japonaise. Enfin, si, on le voit souvent, mais au cinéma c'est encore plus impressionnant, parce qu'on voit tous les petits détails dans l'image, et c'est juste magnifique. Les personnages sont super bien animés, bien qu'un peu random au niveau de leur design. Je trouve ils sont je trouve que même la sœur de Jiro, ouais c'était Jiro, elle ressemble à Chihiro. Je l'ai trouvé, et qu'elle ressemblait à Chihiro, mais je trouve que Miyazaki tourne un peu en rond au niveau des designs de ses personnages, bien qu'il soit un peu c'est un grand réalisateur, ça je dis rien là-dessus, hein. J'ai adoré Le Château dans le ciel, mais je trouve que ses designs se répètent un peu, et là je trouve que il n'y a pas vraiment d'originalité au niveau des personnages, bien qu'ils soient exceptionnellement animés. Il y a des détails dans toute l'image, les personnages n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Les avions sont géniaux, magnifiques. On voit tous les petits détails, tous les petits rouages de la machine, de l'avion, quoi. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la réalisation. Le montage est basique, hein, c'est pas exceptionnel, voilà. Les plans de caméra, les plans de caméra sont pas mal. Niveau quand ils volent avec les avions. D'ailleurs, c'est même pas Jiro qui vole dans les avions, c'est des pilotes. On s'en fout, on connaît même pas leur histoire. Quand ils volent, c'est pas mal réalisé. On a vraiment l'impression d'être porté avec l'avion. Donc voilà. Ensuite. Le jeu des acteurs, donc ça c'est un point négatif puisqu'on l'a vu en français, comme Roxane l'a dit, et c'est pas terrible, hein. Je dois avouer que on a l'impression qu'ils mettent vraiment pas d'émotion dans leur voix, quoi. On dirait qu'ils s'en foutent un peu. Donc à mon avis, si je regarde le film en japonais, mon avis changera sur au moins ce point-là, qui devra être beaucoup mieux, je pense, en japonais. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à propos du jeu d'acteur, puisqu'il était assez naze, hein, pour être gentil. Enfin, c'est même pas encore gentil, hein. Voilà. Ensuite, l'histoire. Alors là, c'est le gros point négatif de ce film, là où j'ai été le plus déçu, parce que l'animation, ben, je m'attendais à ce qu'elle soit magnifique, j'avais pas d'a priori là-dessus, mais l'histoire, j'y suis allé vraiment en me disant ouais, ça va être génial, je vais voir un truc fantastique à la château dans le ciel, château ambulant, etc., qui va me faire plaisir. Mais il y a aucune once de fantastique, c'est vraiment du réalisme pur, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les sites comme Allociné, je vous ai dit, conseillent ce film aux enfants de moins de 6 ans, parce que à partir de moins de 6 ans, parce que c'est vraiment assez réaliste. Il y a du sang, il y a un moment où on sait qu'il va la baiser, sa nana, donc voilà quoi. Ouais, donc c'est vraiment pas le Miyazaki tout gentil, le Totoro, hein. Totoro, c'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est assez réaliste, et l'histoire est ennuyeuse, hein. Je suis désolé si Miyazaki m'entend. Non, je déconne. Bien sûr. Hein. Mais oui, il va entendre quelque chose en français, mais voilà. Je trouve que il n'a pas bien raconté son histoire, qu'il y avait beaucoup de points où on s'ennuyait vraiment. En plus, il y avait deux histoires en une, et il y en avait une qui paraissait pas intéressante au début, mais quand l'autre est arrivée, paraissait plus intéressante que celle qui venait d'arriver. Voilà, c'était l'histoire d'amour, etc. En plus, le personnage principal, je le déteste parce que ce mec, la nana avec qui il est, elle a une maladie, une quoi de nouveau, tuberculose, voilà. Ouais. Alors pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle aille dans un truc à la montagne pour faire un truc, je sais pas, une thérapie, oui, comme ça. Et lui, ben, il dit ah non, tu vas pas, il faut que tu restes avec moi parce que je me sens pas bien sans toi, etc. Donc déjà, ça c'est un vraiment truc de connard à dire, parce que il en a rien à foutre. Il dit ah ouais, mais faut qu'on ait les derniers instants de notre vie ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment de la merde. Et en plus, ce connard, hein, j'ai pas d'autres mots. Quand il dessine, et il est à côté de sa nana qui dort, hein, enfin qui le regarde en train de dessiner, et il fume dans la même pièce qu'elle. Alors qu'elle est malade. En phase terminale du cancer. Voilà, c'est un peu genre il lui crache la fumée dans la gueule. J'avais trop envie de lui exploser la tronche à ce moment-là. Genre c'est bon, tu peux pas attendre demain pour la fumer ta clope, connard. Enfin voilà, c'est vraiment ça m'a vraiment énervé. Je trouve que c'était assez bon, d'accord, c'est un personnage de fiction, mais c'est pas délicat. C'est pas quelque chose à montrer. Même en plus, les enfants, ils étaient là, donc voilà, dans la salle. Donc voilà, c'était vraiment pas quelque chose de. Pff, ouais, voilà, il m'a énervé. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire parce que je sais pas. Je pense que ce film est plus. En fait, la critique que le film reçoit au Japon, c'est qu'il ne soit pas assez nationaliste, c'est qu'il ne prend pas assez parti pour le Japon. Et les critiques qu'il reçoit à l'international, c'est qu'il soit trop japonais. Alors il est sur le cul entre deux chaises, et on n'arrive vraiment pas à rentrer dedans. J'ai essayé plusieurs fois vraiment de m'intéresser au personnage de, mais j'arrivais pas. Je trouvais ce personnage insignifiant, sans réel point. En plus, on passait, tiens d'ailleurs, j'ai oublié de dire par rapport au montage, qu'on passait d'un moment à un autre sans savoir où on était. À un moment, il était dans un train, et puis dans un bateau, et puis d'un coup, on voit dans un train 5 ans plus tard sans qu'on sache où il est, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à faire. Quel est son but, etc. On sait jamais ce qu'il fait. Genre il va à la campagne, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est vraiment mal expliqué. On se sent perdu des fois dans le film. On se dit mais c'est quoi, c'est un rêve, c'est à quelle époque, c'est quand, il s'est passé quoi, qu'est-ce qu'il fait là. Donc c'est vraiment mal expliqué, et je trouve ça très très mauvais quand un film nous fait perdre le fil de notre attention, quoi. Et donc voilà, l'histoire est vraiment, on n'arrive pas à rentrer dedans. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Donc voilà. Et finalement, le deuxième point positif du film, parce qu'il en faut quand même, positif, mais quand même, j'ai trouvé. Donc c'est, la, je parle de la musique. Il y a quand même un mais, c'est que ça ressemble beaucoup au thème du Château dans le ciel, et ça beaucoup de monde l'a pointé du doigt. J'ai regardé quelques vidéos de critiques sur YouTube, etc. Et beaucoup de monde disait ça, que le thème principal ressemblait beaucoup à celui du Château dans le ciel. D'ailleurs, je vais vous passer, enfin, pendant que je parle, je vous passerai le thème de du Vent se lève. Et vous verrez par rapport à celui du Château dans le ciel qu'il y a quelques ressemblances. Surtout que le Château dans le ciel, je l'avais vu avant, enfin juste la journée avant d'aller voir ce film, et j'ai vraiment senti que je regardais, enfin que j'écoutais la même musique. J'avais l'impression que c'était du recyclage. Mais bah, comme la musique dans Château dans le ciel est belle, bah là elle est toujours aussi belle. Donc ça change pas, mais c'est juste, on a l'impression que c'est un peu de la fainéantise. Et donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mon avis final sur le film. Enfin non, d'abord je vais donner la parole à Roxane, puisque là je commence à être un peu essoufflé à force de parler, à force, parce que ce film m'a déçu à un point vous n'imaginez même pas. C'est, j'en attendais, je pense que j'en attendais trop et n'étais pas assez préparé à voir ce genre de film. Je lui laisserai peut-être sa chance. En DVD, ou que je puisse le revoir en japonais tranquille sur mon grand écran plat, pour me faire un deuxième avis sur le film. À mon avis, peut-être que j'arriverai à mieux l'apprécier. Donc Roxane, ton avis final? Alors mon avis final, c'est que franchement ce film, pareil qu'Axel, m'a déçu. Et la catchphrase du film, le vent se lève, il faut tenter de vivre, il le répète 50 000 fois, on sait pas trop pourquoi. Je sais pas pourquoi il la répète. J'ai trouvé ça, enfin c'est un poème, je crois. Oui, c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pareil dans le Château dans le ciel. C'est au moment où dans, souvent dans les films, où, comme dans le Seigneur des Anneaux, je parlais complètement d'autre chose. Mais quand, par exemple, dans les Deux Tours, quand ils font, oui, il faut aller aux Deux Tours. Et là, il y a une grande musique épique. Et là, à chaque fois qu'ils disaient, le vent se lève, il faut tenter de vivre. À chaque fois, il y avait une petite musique. Donc en fait, on savait que c'était le titre du film. Donc ah ouais, c'est méta, il parle à nous en fait, et voilà. Mais non, pas du tout en fait. Voilà. Donc Roxane, je te laisse finir. Donc voilà, je ne le verrai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. Peut-être que on le verra en japonais, peut-être que je changerai d'avis, je sais pas. Mais franchement, ce film, je n'ai pas vraiment apprécié. Je ne suis pas rentrée dans l'histoire, les personnages ne sont pas très attachants. Il y a peut-être que la petite sœur de Jiro. Oui, elle est assez sympa. Ouais. C'est la seule qui est assez sympa et qui le remet un peu à sa place, on va dire. Sinon, tout le monde est d'accord avec lui. Hein. Ouais. Et le personnage aussi que j'ai bien apprécié, c'est le petit patron. Le patron de Jiro. Ouais, il est assez marrant parce qu'il est petit. J'ai rien contre les nains, mais je sais pas si c'est un nain, mais il est un peu petit. Ouais, voilà. Et puis en plus, un petit point, quand on était dans la salle, des nanas, enfin, il y a une cérémonie du mariage traditionnel, et des nanas se sont moquées de la cérémonie traditionnelle. Oh, c'est quoi ça? Parce qu'ils s'asseyaient à chaque fois. Voilà, donc ils faisaient des courbettes, etc. Mais c'est traditionnel, et puis je trouve ça un peu irrespectueux de leur part. Donc si vous écoutez, allez vous faire voir. Voilà, c'était un message personnel. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Et donc voilà, c'est le point positif aussi de ce film, c'est que ça nous montre un petit peu les traditions japonaises, le mariage et tout ça. Donc ça, c'est un bon point. Mais en gros, c'est vraiment un film que j'ai pas du tout accroché, et j'espère qu'on verra mieux la prochaine fois qu'on ira au cinéma. Ouais, et en plus le point le plus négatif pour moi, c'est que c'est le dernier film, c'est le film avec lequel il nous quitte, enfin il finit sa carrière, Miyazaki. D'accord, il va peut-être écrire des scénarios, mais il ne réalisera plus de films. Et donc voilà, si ça c'était son dernier, peut-être qu'il valait mieux qu'il s'arrête avant, quoi. Donc voilà, mon avis final, c'est qu'il est que je vous conseille Ouais, non, je vous conseille pas d'aller le voir en fait. Je vous conseille d'attendre qu'il sorte en DVD et de le voir sur votre écran sur votre télé en VO, VOST. Et là, je pense que vous apprécierez mieux le film que si vous alliez le voir au cinéma. Bien que c'est toujours appréciable de voir un film d'animation au cinéma, on n'en voit pas assez d'ailleurs, et ça c'est bien dommage. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. J'allais oublier quelque chose. Bon, il y avait peut-être quelques petites anecdotes aussi, je voulais vous parler, mais bon, ça c'est pas super grave. C'était, il y avait quelques petits clichés durant l'histoire, mais bon, c'est pas grave, on oublie ça et on passe tout de suite à notre top 5 des films de 2013, en plus des petits tops personnels. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le top 5 des meilleurs films de l'année 2013 du podcast Movies Nerd. Une cérémonie annuelle qui a pour but de récompenser les meilleurs films de l'année passée. Et on est à la rubrique, nouvelle rubrique mais qui sera annuelle, c'est le top 5 des films qui sont sortis en 2013 qu'on a pu voir au cinéma en 2013. On commence tout de suite avec notre top 5 et puis après il y aura quelques petits films dont on vous parlera dans des catégories bien spécifiques. Numéro 5. Donc moi je commence avec mon numéro 5 qui est Monstre Academy, dont on vous avait parlé dans le premier podcast, qui était d'une qualité assez médiocre au niveau du son. Donc vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais je vais vous. Et puis en plus, il y a une critique sur le site sur le blog Movies Nerd que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. C'était un film d'animation fait par Pixar que j'avais énormément apprécié. Mais tout ça est plus développé dans ma critique, bien entendu. Et pour moi, c'est le meilleur film d'animation de cette année. Voilà, ton numéro 5, Roxane ? Alors, mon numéro 5, c'est The World Ends, ou Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde, en français. Très bon film, bien sûr, avec Nick Frost et Simon Pegg. On les connaît, les deux. On avait déjà parlé dans le premier podcast aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié, avec le même duo, toujours. Et avec une invasion d'OVNI, normal quoi, voilà. Bref, j'ai vraiment apprécié ce film, assez what the fuck, comme d'habitude, et très bien quoi. D'accord. Numéro 4. Alors, on passe tout de suite au numéro 4. Donc, mon numéro 4, c'est Gravity. Oui, et ouais, il est bas là, dans la liste. Et Roxane me fait des yeux de choqué. Mais oui, il est si bas dans la liste parce que pour moi, il y a d'autres films que j'ai préféré cette année. Bien que pour moi, c'est le meilleur film niveau réalisation de cette année. Il n'y a aucun autre film qui le dépasse puisqu'il a 10 ans d'avance. Donc, on peut pas vraiment le dépasser. Mais pour moi, l'histoire était trop faible. Par rapport aux autres films que je citerai après, pour moi l'histoire était trop faible pour comparer par rapport aux autres films quoi. Donc le film où vous avez fait une grande critique sur le podcast du mois d'octobre je crois. Oui c'était celui du mois d'octobre. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez toujours l'écouter. C'était un film qui se passait dans l'espace, réalisé par Alfonso Cuarón, et qui était magnifique, mais l'histoire un peu trop faible, à mon goût. Scénario aussi, scénario et histoire assez faible. Donc, ton numéro 4, Roxane. Alors, mon numéro 4, c'est Thor 2, Le Monde des Ténèbres, que j'ai... Ça va, j'ai vraiment aimé par rapport au premier, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Parce que le premier était vraiment faible. D'ailleurs, on n'avait pas eu ton avis puisque tu n'étais pas là pendant le podcast. Ouais. Donc, tu peux nous donner un peu plus. Thor 2 ou Thor 2. Thor 2, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé beaucoup plus au-dessus. Et l'histoire était beaucoup plus intéressante parce qu'on se plongeait beaucoup plus dans le monde de Thor avec son frère, son père, l'univers de la mythologie nordique qui est beaucoup plus développé. Et voilà, c'est aussi un film qu'on peut qualifier de familial parce qu'il y a aussi quelques gags qui marchent quand même pas mal, qui sont pas trop dégueux. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film. À noter que ce film ne fait pas partie de mon top. Voilà. Ah carrément. D'accord. Numéro 3. Donc, on passe tout de suite au numéro 3, qui est pour moi The World's End. Oui, The World's End, que Roxane avait cité en numéro 5 et que je te déteste. Désolé. Tu as le droit de faire tes choix. Donc moi, The World's End, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai adoré ce film. Vous pouvez entendre à moitié mon enthousiasme dans le premier podcast, puisqu'on m'entend pas super bien. Hein. Mais ce film, comme Roxane a dit, déjanté avec des aliens et un pub. Et je suis très très impatient de le revoir en DVD. Je crois qu'il est déjà sorti ou il va sortir bientôt. Mais quand je le verrai en magasin, je l'achèterai sûrement, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Parce que pour moi, les trois, enfin, dans mon top 5, les trois premiers films sont des chefs-d'œuvre, de toute façon. Et pour moi, celui-là fait partie des meilleurs films comiques que j'ai vus cette année. Donc voilà, ton numéro 3, Roxane. Alors mon numéro 3, c'est Star Trek Into Darkness, que je ne sais pas si Axel l'a dans son top 5, je ne crois pas. Malheureusement, non. Donc voilà. Parce qu'en fait, je vous explique que c'est très dur de choisir un top 5. Star Trek aurait été le numéro 6 s'il y avait un top 6. Voilà. Donc Star Trek Into Darkness, j'ai beaucoup aimé ce film. Niveau visuel, c'est très très beau. Et niveau histoire, ça se laisse suivre. C'est pas vraiment. Enfin, ça va, ça se laisse suivre. C'est pas ennuyeux. Il y a de l'action. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, non? Et donc voilà mon numéro 3. D'ailleurs, critique que vous pouvez retrouver sur le site sur le blog Movies. J'arrive pas à dire site parce que on vous dira un peu plus tard, mais si vous avez déjà lu sur le blog, il va y avoir un site Movies Nerd. Voilà, on vous en parlera un peu plus en détail plus tard. Mais j'avais fait cette critique et j'avais énormément apprécié ce film, mais il n'a pas fait mon top 5 parce que j'ai peut-être plus apprécié les autres films. À mon avis, Gravity, s'il n'avait pas son visuel, je l'aurais mis à la place de Star Trek. Enfin, j'aurais mis Star Trek à la place de Gravity. Mais il ne se hisse pas au top 5 de mes films cette année, bien qu'il aurait été le 6e et que je l'adore. J'adore ce film, malgré que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Numéro 2. Et on va passer tout de suite au numéro 2. Donc, mon numéro 2, vous allez être surpris, je pense, parce que vous saviez mon enthousiasme à propos de The Hobbit 2, et ben il est finalement que numéro 2 dans ma liste. Quoi ? Voilà, comment oses-tu ? Roxane est encore choquée, puisqu'elle ne connaissait pas mon top. Oui, et vous vous demandez, mais quel film a pu détrôner The Hobbit ? Eh bien, vous le saurez plus tard. Mais The Hobbit 2, bien sûr, j'avais fait une critique immense sur le blog. On peut pas dire autant, mais j'ai mal à la gorge, là, d'un coup. Mais The Hobbit 2, j'avais adoré ce film. J'ai passé un moment exceptionnel au cinéma, et je n'oublierai sûrement jamais. Et c'est un film que je recommande à tout le monde, mais surtout aux fans de Tolkien qui ont sûrement déjà vu le film, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir. En plus, on a vu au cinéma qu'il est encore, c'est assez exceptionnel, hein. Deux mois après sa sortie, il est encore dans notre petit cinéma d'une ville assez modeste, là où on va au cinéma, et il est encore après deux mois, donc je pense que vous pouvez le retrouver dans des salles et l'apprécier énormément, surtout sur grand écran, parce que c'est là où ça s'apprécie le mieux. Voilà, et si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours lire ma critique sur le blog. Roxane, ton numéro 2. Alors mon numéro 2, c'est Gravity, et oui. Ouais. Donc oui, c'est vrai que le scénario n'est pas à la hauteur qu'on pourrait lui espérer, mais franchement, moi, ça va, ça m'a suffi, je sais pas. Le niveau visuel, c'est vraiment exceptionnel, quoi. On est vraiment bluffé. Il y a rien à dire. C'est vrai que le scénario, on aurait espéré mieux. Il y avait aussi les critiques qu'on avait déjà dit, mais c'est quand même mon numéro 2. Bah oui, tu as le droit. Et puis moi, j'ai adoré Gravity, mais je ne le considère pas comme un chef-d'œuvre puisqu'il n'a pas une histoire assez forte, comme je l'ai déjà dit. Et le numéro 1 est... Et Donc maintenant vous vous demandez, mais quel film a pu détrôner The Hobbit 2 dans mon top? C'est pas possible. Vous me connaissez, je suis un fan de Tolkien, je suis un gros fanboy, même si même s'il y a un film merdique qui sort à propos de son univers, je pourrais jamais dire que c'est de la merde, parce qu'il y a toujours ce point positif, que ce soit à propos de Tolkien. Donc quel film a pu détrôner? Eh ben, je vous donne dans le mille, c'est Django Unchained. Voilà. Ah, voilà. Django Unchained, c'est le meilleur film de l'année 2013, et j'ai pas peur de le dire. J'ai passé 2h30, je crois, le film dure 2h30. Les meilleurs 2h30 de cette année, c'était durant ce film. Il n'y avait pas mieux. En plus, c'était un film de début d'année, donc on a tendance à l'oublier. Il est sorti il y a un an maintenant, quasiment. Si, il y a un an, ouais. Et c'était une des premières critiques que j'avais fait sur... Enfin, j'avais pas encore fait sur le blog, mais maintenant que vous pouvez la retrouver sur le blog. Mais c'était une des premières grosses critiques que je faisais. Et vous pouvez lire mon enthousiasme, parce que je venais à peine de voir le film et j'étais super enthousiaste. Pendant tout le film, je faisais « Yeah, ouais, c'est trop bien, c'est le meilleur film du monde, j'ai jamais vu mieux ». Bon, bien sûr, il y a d'autres films que j'adore personnellement de Tarantino, mais pour moi, le meilleur film de cette année, c'est celui-là, parce qu'il a tellement de qualités et si peu de défauts que les défauts, on les oublie devant cette histoire géniale. Cette mise en place de western, d'hommage de western spaghetti, c'est juste exceptionnel. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille énormément, mais courez aller acheter le DVD pour le voir ou le revoir sans modération, parce que c'est un film exceptionnel, un chef-d'œuvre. J'en perds mes mots, et c'est le meilleur western que j'ai vu depuis je sais pas combien de temps, mais depuis très longtemps, voilà. Peut-être True Grit des frères Cohen, que 2010, donc voilà. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu. Bon, il y en a pas beaucoup qui sortent, c'est sûr, des westerns. C'est dommage d'ailleurs. Mais donc voilà, Django Unchained, qui est le meilleur film de l'année 2013 pour moi. Et d'ailleurs, j'ai un poster de ce film qui trône derrière moi en ce moment, et j'en suis très fier. Voilà, je voulais le dire. C'était important, voilà. Voilà. Que la France le sache. Voilà. Donc Roxane, les gens sont impatients de savoir quel est ton film préféré de cette année. Et quel est-il? Sans surprise, évidemment, c'est The Hobbit 2. Quoi? Non, je déconne. La désolation de Smaug. Alors, ce film est fantastique. Franchement, c'est mon film de 2013. J'ai vraiment apprécié le film, parce que je n'ai pas vu le 1. Je l'ai vu en DVD. J'aurais dû le voir au cinéma. Mais franchement, ce Hobbit est vraiment exceptionnel. L'univers de Tolkien est magnifique, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les coiffures sont magnifiques, tout est magnifique, merveilleux, fantastique. Tous les adjectifs possibles, amélioratifs, je les utilise pour dire que ce film était absolument génial. Et si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il va bientôt sortir en DVD et que vous pourrez le voir prochainement chez vous, tranquillement. Ou même aller le voir au cinéma, hein. Oui. S'il est encore chez vous, regardez vite fait sur Allociné ou sur d'autres sites, sur le site de votre cinéma préféré, et allez le voir absolument, parce que putain, si vous l'avez loupé, vous êtes... Voilà. Vous êtes quelqu'un... Vous êtes quelqu'un que je ne respecte pas tant que vous ne l'avez pas vu, voilà. Non, mais au moins le voir, même si vous n'aimez pas, je pense que il y a une part de magie qui vous fera aimer ce film. Voilà. Et il faut dire aussi qu'on l'a vu le 24 décembre, il me semble. Donc, ouais, donc c'était un super cadeau de Noël, franchement. Merci, c'était... Peter Jackson. Merci, Peter Jackson, notre dieu à tous. Peter Jackson. Voilà, la minute fan est passée. Donc voilà. Les hors catégories. Voilà, donc maintenant, on va parler un peu de d'autres films. Donc, on va commencer avec la déception, le film qui nous a déçus cette année. Et à ce que j'ai compris, on a été déçus par le même film. Donc, je vais le dire, hein, je vais dire le mot difficile à dire. Hein, c'était Man of Steel. Ouais, je sais, il y a beaucoup de monde qui l'a aimé, mais Comment ? Non, mais on peut pas l'en vouloir, parce qu'il est y a des points positifs, il y a d'énormes points positifs, mais il y a d'énormes points négatifs qu'on peut pas oublier devant ce film. Et voilà. Donc, je laisse d'abord Roxane en parler et après je reviens pour lui dire. Juste avant que tu dises ton avis, je rappelle aux gens que la critique de Man of Steel est toujours sur le blog Movies Nerd. Alors, Man of Steel, Superman Man of Steel, c'est vraiment une déception parce que quand on pense au film Superman, on pense ouais, ça va être super super héros et tout, super sympa. Finalement, c'est vraiment comment dire, banal. Le Superman qui joue, je sais même plus comment il s'appelle l'acteur. Ouais, voilà, on a oublié qui c'est l'acteur tellement il est pas attachant, il est pas charismatique. Franchement, il est pas du tout. Je sais pas, il a l'air de s'en foutre complètement. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je me suis un peu fait chier, à vrai dire. Il y a vraiment des gens qui sont vachement bon public dans qui sont assez bon public dans la salle. Ils rigolaient aux blagues, franchement, assez nuls, pour dire. Et aussi, l'absence de musique. On se rappelle pas de musique dans ce film. Il n'y a vraiment rien qui vienne à l'esprit quand on pense à ce film, à part une grande déception. Ouais, alors que les anciens Star Wars, voilà, Superman, ils avaient cette musique. Je sais plus comment on dit, mais enfin, je sais plus c'était quoi le. J'arrive pas à le chanter là, mais il avait un thème qu'on arrivait très bien à retenir quand on sortait de la salle, et là, rien du tout, quoi. C'était assez minable, et j'ose dire le mot minable. J'étais énormément déçu, mais même plus que Le Vent se lève, hein, j'attendais, mais l'Arlésienne du film de super-héros, et là, Zack Snyder m'a déçu. Et pourtant, il m'a très peu déçu, bien que beaucoup de monde le déteste. Moi, je suis encore un des seuls à défendre ces films. Je n'ai pas encore tout vu d'ailleurs, mais Watchmen ou 300, ce sont des films exceptionnels et que je défendrai même si des gens n'aiment pas. Mais celui-là, il est pour moi indéfendable. En plus, le pire, ça me fait mal de dire, mais c'est Christopher Nolan qui l'a produit, et là c'était vraiment la déception. Après un Batman de Dark Knight Rises qui était très très bon, mais avec des points qui étaient assez négatifs. On parle de Marion Cotillard, voilà, c'était un truc que j'avais dans la gorge, mais ça c'était un gros point négatif. Et donc là, il me déçoit encore plus. Et je sais pas, c'était vraiment quand je suis sorti de la salle, j'étais assez énervé contre ce film. J'avais l'impression d'avoir perdu mes 2 heures de film, et j'aurais mieux fait de jouer à la console plutôt que regarder cette merde. Enfin, c'était pas une merde, je peux pas dire que c'était une merde, parce que il y avait quand même des bons passages, les effets spéciaux étaient pas mal, bien que les effets spéciaux au niveau des décors étaient bons, mais les effets spéciaux au niveau des créatures sur Krypton étaient vraiment nasses, quoi. C'était, on aurait dit de la PS1, quoi. C'était dégueulasse. Et puis il y avait aussi quand Superman volait, on voyait que c'était un personnage en 3D, qu'ils avaient collé la face de Henry Cavill. Putain, je me suis souvenu du nom de l'acteur. Putain, t'as vu ? Ça, c'est un cadavre dans le placard, c'est pas possible. Ouais, non, mais Henry Cavill, ce mec, il a aucune expression faciale. Il a toujours la même expression faciale de merde. Et puis, on a l'impression qu'il est juste là pour le pognon, il en a rien à foutre. Et j'espère énormément que le film Superman vs. Batman sera meilleur, mais j'ai encore espoir dans ce film. J'ai encore espoir en Zack Snyder, j'ai encore espoir en Christopher Nolan, même si ces deux personnes m'ont déçu énormément. Mais j'espère encore qu'ils peuvent nous pondre le film de Superman qu'on attend. Et je sais qu'énormément de monde l'aime, ce film. Je sais, en fait, ce film, on peut pas être mitigé, c'est impossible. C'est soit on le déteste, soit on l'aime. Et ben nous, malheureusement, on est du côté, on le déteste, parce que une histoire pas assez forte, des personnages pas charismatiques du tout, une histoire mal racontée, des effets spéciaux géniaux à certains moments et pourraves à d'autres, et des scènes d'action qui étaient assez bonnes, mais qui me rappelaient trop Matrix. Ça me faisait penser à Matrix, la scène de fin. Donc, c'était pas super intéressant. Et le dernier point que je voulais aborder concernant ce film, c'était l'éthique de Superman dans ce film. L'éthique de Superman, c'est normalement de sauver les citoyens, de ne pas les blesser, de protéger les habitants de la Terre contre les super méchants quoi, qui veulent détruire la Terre ou des choses comme ça, comme dans le super méchant du film qui était vraiment naze, qui avait aucun charisme aussi, hein. L'acteur je l'ai pas du tout aimé aussi, donc là dans la scène finale dont je vous parlais, Superman défonce des buildings avec le mec, mais il en a un à foutre qu'il y a des millions de personnes dedans. Des milliers de personnes dans le building, il en a rien à foutre, il défonce tous les buildings, et il y va, il explose tout, il y a des bâtiments qui s'écrasent, il s'en fout, qui s'écrasent sur les gens, il s'en fout des gens qui sont en dessous, il y va, il défonce le mec, il en a rien à foutre, et ça c'est un gros point noir. Et le deuxième point noir concernant l'éthique de Superman, et qui a fait rager beaucoup de personnes qui sont fans de Superman. Moi, je ne suis malheureusement pas... Je n'ai pas assez lu de comics Superman pour être au courant de ça. Enfin, je connais quand même l'éthique de Superman. Et je sais que... Spoiler alerte, spoiler alerte. Si vous ne voulez pas être spoilé sur ce film, avancez d'une minute dans le podcast. Superman ne tuerait jamais personne. Et dans ce film, il tue le méchant. T'as spoilé là, hein. C'est pas très bien. Je m'en fous. Vous avez pas que voilà. Ok, d'accord. Ouais. Non mais je suis désolé. Merde, je mettrai un spoiler alerte ou je sais pas. Je verrai. Mais voilà, il tue le méchant et d'une façon assez violente. Et à mon avis, c'est pas ce que Superman ferait. Beaucoup défendent ce point parce que en disant que Superman c'est parce qu'il est jeune, c'est un jeune Superman, il est pas très habile, etc. Mais moi je dis que c'est quand même quelque chose que Superman ne ferait jamais. Voilà. Fin de spoiler. Je répète. Fin de spoiler. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce film. Je suis désolé pour le spoiler, mais je mettrai normalement un petit spoiler alerte pour les films, pour les gens, qui n'ont pas vu le film. Donc voilà, Roxane a déjà dit son avis, et maintenant on va passer aux films qu'on aimerait voir, les films qu'on a loupés cette année et qu'on aimerait bien voir quoi. Donc Roxane, je te laisse la parole. Alors, les films que j'aimerais voir, que je n'ai malheureusement pas vus, c'est premièrement Django Unchained, le numéro 1 d'Axel. Ouais. Et quand il l'aura en DVD, je le verrai, ça c'est obligatoire. C'est vraiment un film, d'après Axel, magnifique, donc je pense que c'est vrai. Et le deuxième film, c'est Only God Forgives, avec Ryan Gosling. Oui. Désolée, j'ai fait ma fine girl, mais... J'essaie de faire sa filmographie, donc je vais regarder ce film. Vous vous rappelez de mon avis sur Drive ? Oh, ça va, hein, c'était bien Drive. Non, c'était pas... Ouais. Bon, allez, on continue. Voilà, Axel a une haine envers Ryan Gosling. Non, c'est pas une haine, mais j'aime pas cet acteur. Voilà. T'aimes pas cet acteur ? Mais je sais pas, moi je trouve qu'il joue bien, hein. Je sais pas ce que tu reproches. Oh, c'est parce qu'il est beau gosse. Pas que. C'est pas vrai. Donc, voilà, et c'est tout ce que tu as à dire. Only God Forgives, ça parle de quoi? Ça parle de mafia chinoise, je crois, ça doit être ça. D'accord, bon ben, je lui donnerai sa chance, on verra bien. Donc, moi, les films que ces deux films que j'aurais voulu voir cette année. Le premier film, c'est Pacific Rim, dont j'ai entendu parler j'ai beaucoup entendu parler. C'est le dernier film de Guillermo del Toro, qui en fait, à l'époque où le film est sorti, je ne voulais pas le voir parce que je n'aime pas les mechas. Si vous ne savez pas ce que c'est les mechas, c'est genre les robots japonais dans lesquels il y a des personnages qui activent des manettes, des manivelles pour les faire bouger, quoi. Genre dans le Power Ranger, le Transformers, Megazord, ou dans Goldorak, le Goldorak justement. Donc voilà. Ce genre de truc, moi je déteste les mechas, enfin je n'aime pas ça, et ce film était à propos des mechas, et c'est pour ça que je l'ai boudé à sa sortie. Mais après avoir entendu tous les gens en parler avec une affection assez incroyable pour ce film, moi j'ai vraiment été j'étais déçu de pas être allé le voir au cinéma. Parce qu'à mon avis, ça aurait été une super bonne expérience, mais je pense que je vais me l'acheter prochainement en DVD, et je vous ferai la critique soit sur le blog, soit en podcast. Voilà. Donc, attendez-vous à ce que je vous parle de Pacific Rim prochainement. Mais si vous avez... n'hésitez pas à donner votre top dans les commentaires, ou vos déceptions, les films que vous auriez aimé voir, et vos avis sur les films qu'on aimerait voir. Aussi sur Pacific Rim, si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis, j'aimerais bien l'avoir. Et deuxième film que j'aimerais voir, pardon, j'ai bégayé, et que j'ai manqué cette année, c'était Snowpiercer. Malheureusement, je l'ai loupé, parce qu'en fait, il n'est pas resté longtemps à l'affiche chez moi. Il est resté une ou deux semaines, et j'étais en cours en ce moment, et à ce moment-là, et j'ai pas pu vraiment le voir, j'avais pas trop le temps. Donc Snowpiercer, c'est un film dont je vous avais parlé un petit peu dans le podcast d'octobre, je crois. Et donc un film que j'aurais énormément voulu voir, et d'ailleurs les critiques l'acclament aussi. C'est souvent, je vois dans les tops, souvent dans des personnes que je suis, dans les tops des films de 2013, il est souvent haut placé, et donc c'est un film que j'aurais énormément voulu voir, et que dès qu'il sort en DVD, je pense que je me le procurerai pour vous faire une petite critique, et pour le voir surtout, parce que je suis très impatient de le voir. Voilà. Donc maintenant on va parler du pire film qu'on a pu voir cette année. Le pire film, celui qu'on veut balancer aux égouts, celui qu'on veut oublier, qu'on a vu. Donc Roxane, je te laisse annoncer le titre et dire ton avis. Alors c'est Moi, moche et méchant. Donc voilà, ce film était assez... On était obligé d'aller le voir, parce que les places de ciné... Oh, je vous explique. Les places de ciné allaient être dépassées, donc le seul film qui était encore... qu'on pouvait voir, c'était Moi, moche et méchant 2. Donc, nous sommes allés voir ce film. C'est un film d'animation... américain, oui. Et ça n'a rien à voir avec Pixar. Hein. C'est vraiment pas du Pixar, c'est vraiment mauvais, je sais pas comment dire. Il y avait que les mignons qui sauvaient un peu le truc, mais bon, c'était un petit peu le truc que Axel, ça énervait Axel. Bon, ça va, moi j'ai trouvé que c'était assez potable encore, mais voilà, c'était pas terrible comme film. Hein. Donc voilà, le film que j'ai le plus détesté cette année, c'était ce film de merde. La purge du siècle. Voilà, non, pas du siècle, quand même pas. La purge de cette année. De cette année, oui. Alors là, mais je peux le dire. Bon, j'ai pas vu tous les films, hein, je peux le dire. J'ai pas vu tous les films de merde, genre World War Z ou des trucs comme ça. Là, je pense que ça doit être bien qu'il y ait des personnes, je peux le concevoir, qui aiment ces films. Mais pour moi, ça a l'air d'être vraiment une grosse daube, hein, que je ne verrai sûrement jamais. Et si je la vois, je la défoncerai sûrement. Mais je peux toujours être surpris. Mais là, ce film, je l'ai vu, je l'ai détesté. Je déteste les mignons, je les hais. Je veux leur péter la gueule à chaque fois que je les vois. Et ce mec de Moi, moche et méchant, je le hais aussi. Putain, tous ces personnages de merde, ils peuvent aller aux chiottes. Sérieusement, mais vraiment... Mais c'est pas possible. Pourtant, tu as aimé la chanson de Pharrell Williams, Happy, qui est le titre de la Moi, moche et méchant, le thème principal. C'est le seul point positif du film pour moi. C'est cette musique que j'aime bien, hein, je le conçois. Mais je m'en fous. Je défonce ce film. Je le hais à un point. Et tous ceux qui me disent qu'ils l'aiment. Non, je déconne, mais vous avez le droit d'aimer, mais moi, je déteste ce film, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ce film que j'aime pas, voilà. Je pourrais pas l'exprimer comme ça. Mais les personnages, je les hais. Et surtout les mignons. Et tous ceux avec leurs mignons, là, avec leurs mignons sur les réseaux sociaux, là, moi, j'en peux plus. À chaque fois, sur Twitter ou sur Facebook, je vois des gens, ah ouais, les, ah, génial, j'ai reçu mon porte-clés mignon, ah ouais, je suis trop fan de Disappointed Me, moche et méchant, en anglais, voilà. Enfin, je hais ce film à un point, vous n'imaginez même pas. Et ça a été vraiment une torture d'aller voir ça au cinéma. C'était genre pire que m'attacher dans une chaise et me torturer dans une cave. Voilà. C'est assez fort. Hein. Voilà, c'est vraiment... C'était pire que ça. Et d'un ennui profond et d'une mocheté inimaginable. C'est moins moche et méchant. Hein. Ouais, non, mais méchant. Moche. Alors ça, tu peux pas dire... ça, c'est le seul point positif du film aussi. C'est que dans le film, enfin dans le titre, il y a ce qu'il y a dans le film, quoi. C'est moche. Voilà, c'est moche. Il y a pas d'autre. C'est vraiment super moche. Voilà. Donc, je vais arrêter de détruire ce film. Si vous l'avez aimé, ben. Désolé. Désolé, hein. Vous avez droit, hein. Moi, je ne juge pas, mais c'est juste que je déteste ce film. Voilà. Et on va passer tout de suite à la bande-annonce du mois, parce que ça fait genre 30 minutes là qu'on enregistre cette partie et ça fait un peu long, je trouve. Bon, allez, c'est parti. You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. You shit-kicking, stinky horse manure smelling motherfucker, you. You're a fucking secretary. Fuck you. Yeah, that's my message for you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Et on est à la rubrique de la bande-annonce du mois, et ce mois-ci on a choisi la bande-annonce de 302, donc Rise of an Empire, pardon, je confonds avec un jeu vidéo, Total War, c'est pas grave. Donc on a choisi cette bande-annonce, on vient de la voir, donc Roxane, je veux qu'est-ce que t'en as pensé? Alors c'est vachement sanglant, ça a l'air pas mal. J'aurais envie de le voir, hein. Ça doit être pas mal, je pense. Ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir un peu de je suis pas un maniaque du sang, mais c'est juste que ça fait du plaisir de voir vraiment du sang, même si c'est du digitalisé, c'est pas terrible, mais au moins, parce que là, avec tous les films cucu qu'on voit en ce moment, ils enlèvent toute la violence pour que ce soit tout public et qu'ils aient plein de fric, mais ça laisse plus la place aux vrais films avec de la violence, et là, ben, ils se font plaisir, et il y a tout ce qu'il faut, il y a du tranchage de tête, il y a tout ça, et en plus, il y a une magnifique musique de Black Sabbath dans cette bande-annonce que vous écouterez juste après la fin de cette critique. Donc voilà, et en plus, il y a aussi d'autres belles musiques dans la bande-annonce. Le style esthétique, on retrouve le même style esthétique que dans le premier, c'est-à-dire bien, enfin, ça se voit que c'est vraiment pas un film réaliste, quoi. C'est fait comme si c'était un comics, puisque le 300 à la base c'était un comics de Frank Miller, c'est Zack Snyder qui a réalisé le premier, et le deuxième c'est plus lui qui réalise, je sais plus qui c'est qui réalise, mais par contre il produit. Donc voilà. Ça a l'air super intéressant, des super effets spéciaux, les personnages qu'on retrouve, bon bien sûr les 300 on les retrouve plus, mais On retrouve le méchant habituel, voilà, les Perses, voilà, c'est ce que je cherchais, les Perses, et voilà, ça a l'air super sanglant, intéressant, et je suis impatient d'aller le voir, franchement, parce que ça m'a l'air pas mal, quoi. Donc, on vous en parlera sûrement lors d'une critique, ou je vous ferai une critique sur le blog. Voilà, donc maintenant, on vous laisse avec l'extrait audio de la bande-annonce, et on se retrouve pour la Minute Nerd. Brave 300 are dead. Have I not given enough for your dream of a united Greece, Themistocles? A king? A husband? Avenge him. Nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait, nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo, et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd. Donc, on est à la rubrique de la Minute Nerd, alors que notre voisin nous casse les couilles avec sa putain de tronçonneuse, voilà. C'était un message personnel. Ouais, bon, il écoutera jamais, de toute façon. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous parler d'abord d'un roman, et Roxane vous parlera d'un animé. Avec le roman que j'ai lu, que j'ai eu la chance de lire ce mois-ci, c'est le roman de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le roman du film est, enfin, le film est plus connu que le roman, mais le roman est sorti en même temps que le film, puisqu'il a été écrit en même temps que le film était réalisé. Donc c'est un roman écrit par Arthur C. Clarke, qui est né en 1917 en Angleterre. Qui est membre de l'Académie astronautique, il est mort au Sri Lanka en 2008. Il est unanimement reconnu comme l'un des plus grands auteurs de science-fiction du XXe siècle. Son esprit visionnaire s'est exprimé dans plus de 50 livres traduits en 30 langues et récompensé par des prix prestigieux. Ce bouquin a reçu le prix Nebula 1985 de Grand Maître. Donc ça, c'est le prix Nebula, c'est pour les nouvelles de science-fiction, donc c'est pas de la merde. Donc je vais vous raconter un peu le synopsis du bouquin, qui est un peu différent par rapport au film. Alors, le vaisseau explorateur 1 fait route vers Saturne, à son bord deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu. 5 ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune, la première preuve d'une existence extraterrestre. Et bien longtemps auparavant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur Terre et avait parlé aux premiers hommes. On détecte un nouveau signe de cette présence aux abords de Saturne. Que sont ces mystérieuses sentinelles? Quel message viennent-elles délivrer? En 2001, l'humanité a rendez-vous avec son destin. Voilà, ça c'est le synopsis derrière le bouquin. C'est un bouquin assez, assez court, il fait 190 pages à peu près, que j'ai lu quasiment d'une traite, puisqu'il est très, puisqu'il est passionnant de bout en bout, bien qu'il y ait peut-être une ou deux lenteurs, je peux le reconnaître dans le bouquin, mais comme moi j'adore tout ce qui se passe dans l'espace, Arthur C. Clarke est un fanat des détails, était un fanat des détails de tout ce qui se passe au niveau scientifique dans l'espace. Donc il vous fait 3 pages sur la description du vaisseau. Mais après le vaisseau, bah, vous le connaissez comme si vous étiez un des personnages, puisque il le décrit d'une façon très facile, mais précise, mais pas trop lourde à lire. Donc ça va, c'est agréable à lire. Bon, je conçois que certaines personnes peuvent ne pas aimer ce livre, puisque c'est un film, c'est un livre, parce que j'arrête pas de confondre avec le film, c'est un livre assez précis au niveau scientifique, mais qui n'a pas, qui a néanmoins une histoire très intéressante, qui est un petit peu différente du film. Le film, je pense qu'on vous en parlera prochainement, je pense que je l'ai en DVD, je vais sûrement le voir, mais le bouquin, je l'ai vraiment adoré. C'est franchement, si vous aimez les films, les romans de space opéra, de science-fiction, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ose le dire comme ça, un classique de la littérature de science-fiction qu'il faut absolument lire. Il a été écrit en 1968 et en fait, l'histoire, elle est basée sur plusieurs nouvelles d'Arthur C. Clarke. Et notamment La Sentinelle de 1951, puisque le roman a été écrit en même temps que le film. La Sentinelle ne parle pas vraiment de ce qu'il y a dans le film ou ce qu'il y a dans le roman, c'est une inspiration pour ce roman et ce film. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous le conseille vraiment, moi j'ai passé un très bon moment à le lire, et vous ne serez pas déçus si vous êtes fan de science-fiction. Et en plus, maintenant, comme j'ai lu ce bouquin, j'ai commencé Le Trône de Fer, et j'adore. Je sais, je suis un peu en retard par rapport à tout le monde, mais je n'ai toujours pas vu la série parce que je veux d'abord lire le bouquin avant de regarder la série. Donc je vais me lire les 5 bouquins d'affilée, je pense. Ça va être assez long, mais le début commence super bien et je vous en parlerai sûrement prochainement dans une autre Minute Nerd. Voilà, Roxane, je te laisse la parole pour ta Minute Nerd. Je parle de Full Metal Alchemist, qui est d'abord un manga de Hiromu Arakawa, avant d'être un animé, que je vais vous parler de l'animé. Donc il date de 2000, il est sorti au Japon en 2003, et pour moi il reste un des meilleurs animés de ces dernières années. Alors je vous fais le synopsis. Dans le pays d'Amset, triste pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, deux frères, Edward et Alphonse, Elric, parcourent le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps perdu. Leur père, Van Onenheim, les a quittés il y a cela des années, et leur mère, Tricia Elric, meurt quelques années plus tôt d'une maladie, laissant ses deux jeunes enfants derrière elle. Un an plus tôt, les deux frères tentaient de la faire revenir grâce à l'alchimie, bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine. Ils en paieront le prix fort, Edward, l'aîné, perdra sa jambe gauche, son petit frère perd son corps tout entier. Ed sacrifiera son bras droit en scellant l'âme de son petit frère Alphonse dans une armure. Edward décide de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État. Il réussit son examen avec brio et obtient son nom d'alchimiste, le Full Metal Alchemist. Avec les avantages d'alchimiste d'État et leurs recherches, les deux frères chercheront, au péril de leur vie, la pierre mythique qui leur rendra ce qu'ils ont perdu, mais le secret de la pierre philosophale est bien gardé. Alors, mon avis, c'est vraiment un super animé. On est en train de le regarder en ce moment avec Axel. Regardez, voilà. C'est vraiment super sympa à regarder. L'esthétique de... C'est vraiment l'esthétique steampunk. Alors, l'esthétique steampunk, Axel... Qu'est-ce que c'est ? C'est une esthétique de d'années 1900, fin 1800, début 1900, mais qui aurait un peu plus de technologie. Donc c'est une technologie à base de rouages, de vapeur, de machines à vapeur et tout ça. Et c'est vraiment, c'est en train de bien. Enfin, c'est la nouvelle mode depuis quelques années. D'ailleurs, vous avez vu dans les jeux vidéo, par exemple dans BioShock, il y a beaucoup de steampunk, dans Dishonored. D'ailleurs, que je suis en train de faire. Peut-être je vous en parlerai plus tard. Enfin, dans une autre minute nerd. Mais il y a beaucoup de steampunk et c'est à la mode en ce moment. Et je veux aussi vous dire que c'est vu que c'est une femme qui écrit et dessine le manga. Dans l'anime, on retrouve quelques caractéristiques du shoujo, et c'est pas déplaisant parce que c'est assez bien fait. Donc le shoujo, tu peux rappeler le shoujo, c'est un manga destiné aux filles, simplement, qui tourne principalement autour d'une histoire d'amour, mais c'est pas toujours... Mais ici, il y en a pas. Ouais, ici, il y en a pas vraiment. Mais c'est vraiment une ambiance, quoi. Ouais, voilà. Sur certains épisodes, mais il y en a qui sont un peu plus graves. Un peu plus graves et plus noirs. Voilà, et plus shonen, voire seinen. Donc shonen, c'est les mangas pour les garçons avec de l'action et tout ça. Et les seinen, c'est les mangas pour jeunes adultes, voire adultes, qui ont du sang, des morts, du sexe, voilà. Mais bon, il n'y a pas tout ça dans le truc, mais ça penche des fois vers le seinen. Donc voilà. Donc je dirais que c'est vraiment une histoire super intéressante. Les persos sont vraiment très attachants. On peut dire aussi qu'on le regarde en version française pour une fois. Et que franchement, la voix de Edward, elle est vraiment géniale. On l'entend pas dans d'autres animés ou d'autres dessins animés. Et franchement, je trouve que c'est... C'est dommage. C'est dommage, mais c'est bien parce qu'on n'est pas lassé, genre par exemple... par rapport à la voix de Sacha dans Pokémon qu'on entend presque partout. Mm-hmm. Et donc voilà. Et aussi l'opening est vraiment génial. C'est... D'ailleurs, vous l'avez sûrement entendu avant la minute nerd. Oui, voilà. Donc Axel, ton avis sur Full Metal Alchemist ? Donc moi, je suis un fan un grand fan de cette série, voilà. C'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai les mangas, pas tous encore, mais je les lis. Mais j'ai découvert cette série en 2004 sur Canal+. Non, 2005 sur Canal+, parce que j'avais 10 ans et je me rappelle, c'était interdit au moins de 10 ans, donc moi j'adorais voir ça. Tu bravais la loi. Ouais. Non, mais je me disais, ah ouais, c'est génial, j'ai enfin 10 ans pour voir cette série. Enfin voilà, c'était un truc de gosse que je me disais, mais c'était génial parce qu'il y avait des gros mots et c'est toujours appréciable à écouter quand on est gamin, et puis c'était génial, hein. C'était vraiment une super animé et encore un manga encore plus exceptionnel, plus noir par certains passages, plus glauque sur que l'animé. D'ailleurs, l'animé a été faite par le studio Bones, qui a aussi réalisé la série Soul Eater, que je vous conseille aussi énormément, et d'autres aussi, d'autres séries qui j'adore le studio Bones parce qu'ils font des super bonnes séries. Voilà, j'ai plus trop en tête ce qu'ils ont, mais les derniers trucs que j'ai vus, donc Soul Eater et d'autres trucs, c'était super bien fait par eux. Et donc Hiromu Arakawa, qui a d'ailleurs fait une nouvelle série dernièrement qui s'appelle Silver Spoon, et que je pense que je vais bientôt voir, enfin lire et voir. Voilà, donc c'est tout pour nos minutes nerd, et on va passer déjà à la fin du podcast. C'est parti. Et on est déjà à la fin de ce podcast Movies Nerd du mois de janvier. Donc ça a été un plaisir de faire cette émission avec Roxane. J'espère que ça a été la même chose pour toi. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour moi @TheLexal, sur Twitter @TheLexal, Roxane @Rookinator et le blog @MoviesNerd avec MoviesNerd, oui, c'est ça. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page MoviesNerd, le blog MoviesNerd sur Overblog, bientôt le site MoviesNerd.net, pardon, je bégaye, j'arrête pas de bégayer, ça me fait chier, mais voilà. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur notre Ask MoviesNerd. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des suggestions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Nous écrire vous pouvez toujours nous écrire à moviesnerd@gmail.com. Entre le movies et nerd, il y a le tiret du 8, donc le underscore. C'est à peu près tout. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast. Et d'ici là, éclatez-vous, allez au cinéma et bon film. Salut. Salut. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? Seen him, yours are gone, boy. When you've seen him, yours is gone.